Question 13. La signalisation indique une priorité ponctuelle, réponse A. Une chaussée à sens unique, réponse B. Des travaux, réponse C.